Ouais, la cité là. Ouais. De la paix. Que du. Que du sale. Salade tomate sans oignon. Mets de la sauce sur les frites. J'ai mis l'élastique sur le pognon. Voilà. Y'avait trop de billets de 10. Oui. Dites-moi le prix de la Merco. Dieu merci, je connais plus la crise. Non. Je te paye en quoi? Billet de banque ou billet du cri? Billet orange ou billet vert? Hein? Tu veux la blanche ou bien la verte? En combien de temps tu vas le faire? Combien? Je joue pas le con, on va pas me la faire. Non. Il a plus de cartouches et je vois que la météo n'a pas prévu l'averse. Si je monte sur un plan et que je vends l'argent, c'est pour rentrer avec. Voilà. Sale comme là, comme là. Chata, Nicki, Minaj. C'est moi qui fais l'oseille, oseille. Pétasse, fais le ménage. Ramasse. Le cul de ma maîtresse et moi le chéri. Pardon, c'est pas ma faute. Hein. Regarde à vue ton pote à Pouka, il le radique, c'est de ta faute. Hein. Balance. Pardon, j'ai pas compris. Quoi? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Tu veux savoir? On fait de la trappe, mon pote. On vend de la dope, mon pote. On vend la oui. Ma mère ne travaille plus. Quelque part, je suis ravi. OG couche sur le bloc, oui. Ça sonne sur mon phone. Allô, je reçois un coup de fil de qui? Les ennemis veulent un bague. Ah bon? Sur la vie de ma mère, j'arrive. Ils ont pas compris. Hein? Ramène mon fusil. Ramène. Ils reviendront jamais. Shoot, balle dans la tête. Bang. Shoot, balle dans la tête. Bang, bang. Shoot, balle dans la tête. Shoot, shoot, balle dans la tête. Shoot, balle dans la tête. Bang. Shoot, balle dans la tête. Bang, bang. Shoot, balle dans la tête. Shoot, shoot, balle dans la tête. Igo, faut l'argent. Bibi, faut l'argent. Pour manger, faut l'argent. Pour baiser, faut j'ai volé pour l'argent, mais j'ai rien fait, c'est l'argent. Vive l'argent, je suis dans le bendo pour l'instant. La cagoule effraye la banquière. Le gamos a passé la frontière. Oh maman ma cosa, on veut des yébis qu'on ferait dans le coussin. Oh maman ma cosa, depuis que j'ai percé, j'ai beaucoup de cousins. Oui. Shoot, balle dans la tête. T'es parti en premier, mais c'est moi le meilleur. Voilà. Fonce, te casse pas la tête. Même où j'habite, le guetteur devient dealer. C'est nous en parlant bail, c'est nous en parlant zère. 9-1. C'est nous les plus violents de toute la France entière. Ah oui, oui. OG couche sur le bloc, oui. Ça sonne sur mon phone. Allô, je reçois un coup de fil de qui? Les ennemis veulent un bail. Ah bon? Sur la vie de ma mère, j'arrive. Ils ont pas compris. Hein? Ramène mon fusil. Ramène. Ils reviendront jamais. Shoot, balle dans la tête. Bang. Shoot, balle dans la tête. Bang, bang. Shoot, balle dans la tête. Shoot, balle dans la tête.